force. Ça, Titi, mi, do, si. We'll be right back. Bon, c'est cool, Titi, mais bon, il n'y a personne d'autre qui joue. On leur a fait peur ou quoi? On passe en ré. En ré bizarre. En ré bizarre plutôt majeur. Un sol, d'accord. Et moi, je voulais faire un truc bizarre, pas un truc bizarre, un truc qui marche. Alors on va faire. Thank you.

Thank you.